tuer. La basse prône. Si, si. Yeah. Je suis venu défendre mon tête, yeah. Défendre mon clan comme un bout d'un pack d'un but comme cette partie de foot. Ne jamais droit s'en fout, l'aura français douce, c'est le cauchemar des mecs pauvres. On se plaint pas nous, un rêve doré, donne-moi mon fric vite, tout en un crime dans une cour pourrie. Si un contrat sur toi c'est jamais gratuit, si si y'a des jobs dans le ghetto avec des odeurs de chemise. Illicite, nique la police et leur justice. Remonte la piste, les puces, les boîtes, les putes manipulent mes gars pour qu'ils dépensent leur fric. Ouais, Paris c'est toujours magique. Chez nous ça rap sec comme le temps des Wu-Tang. Et si tu clashes négro, t'auras affaire aux yens. Ambiance sicilienne, ambiance africaine, tu vois. Faut rester humble ou tu finiras dans le bois. Négro t'es mort, t'es reine, ça fait bang bang. Mon gang c'est Corse, Maghreb et Galsen. Époque malsaine, une odeur de benzène. Faut que les radios qui boycottent nous albums, mec. Mon rap est street, mon rap est speed. Mon rap se balade toujours la nuit avec un peu de shit. J'te donne le cauchemar du bois, du rap de Yovoa. Et c'est ce Sohaï car la veille sauvage. Yeah, des putains de rêves, négro crève. Salement traîne, espère salement, des gros se verse. Ils sont des frères. Sur le sol nous perce malement, ressent la perte. Au bout des lèvres, plus rien à perdre, le temps est perdre. A besoin on perce la ville, but du week-end, style à l'américaine. Le clan, les yens, couleur est belle. Le temps du règne pour les nôtres qui lèvent la tête, noyés dans la paix. 16, putain de rime pour les OG. Check le son des jeunesses maudites, yeah. Péter le spliff dans la Audi Paul. C'est pour les causes des putains de Dodi. On perd à la gangsta négro, bouche, caille, blanc, au pays. On sort de la tombe à la Machiavelli. Corps à délit, classe et lyrical. Poutine aux langues se délire. Regarde cette cauchemar américaine aux mains. Sont intéressants, Poutine ne plaque pas. La cour d'école à celle de Frenka ne flanche pas. Hyène, on nique le crack, la tombe tape. Abzé et plaque, chez nous on se tire tous dans les pattes. Ils ont poignardé le fœtus de la terre mère africaine. L'enfant du mal a survécu. C'est les hyènes, le ghetto a le verbe qui surine. On vit crade sur un air de puriste. Nous sur les flics on urine. Négro c'est dur, pur, guette les tueries. Dans ce monde de pute mec je suis prêt à mourir. Voir mes proches le sourire au lait. Y'a plus que l'argent qui me donne le fou rire. Mes frères c'est marche ou crève un pana. Là où les putes finissent dans le canal. Écoute le son qui perce la naille. Des flaques de sang et des paillettes. Abza qui blesse. Et je pèse la princesse à la alpha yet. Des putains de rêves. Négro crève. Salement traîne, espère salement, les gros se versent. Ils sont des frères, sur le sol nous perce malement, ressent la perte. Au bout des lèvres, plus rien à perdre, le temps est perdre. A besoin on perce la ville, but du week-end, style à l'américaine. Le clan, les yens, couleur est belle. Le temps du règne pour les nôtres qui lèvent la tête, noyés dans la paix. Yeah, des putains de rêves, les gros crèvent. Salement traîne, espère salement, les gros se versent. Ils sont des frères, sur le sol nous perce malement, ressent la perte. Des lèvres, plus rien à perdre, le temps est perdre. Abzao perce la ville, but du week-end, style à l'américaine. Le clan, les yens, couleur est belle. Le temps du règne pour les nôtres qui lèvent la tête, noyés dans la paix.